Comment diriez-vous « vous devez le faire maintenant » Sie müssen. Sie müssen, oui, müssen avec un umlaut sur le U. Donc, vous devez le faire maintenant. Sie müssen es jetzt zu tun. Attention, après un verbe porte-manteau, on n'emploie pas zu. Sie müssen es jetzt tun. C'est ça. Sie müssen es jetzt tun. Et comment diriez-vous « vous ne devez pas le faire maintenant » Sie müssen es jetzt nicht tun. Sie müssen es jetzt nicht tun. Comment diriez-vous « vous n'avez pas besoin de le faire maintenant » Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Avoir besoin se dit brauchen. Brauchen, oui. Et après brauchen, quand il y a nicht dans la phrase et qu'on veut dire ne pas avoir besoin de faire quelque chose, on emploie un infinitif avec zu. De la même manière qu'en français, on emploie de après ne pas avoir besoin. Ne pas avoir besoin de faire. Alors, comment diriez-vous vous n'avez pas besoin de le faire maintenant? Sie brauchen es jetzt nicht zu tun. Sie brauchen es jetzt nicht zu tun. Et comment diriez-vous tu as besoin? Du brauchst. Du brauchst. Oui. Comment diriez-vous tu n'as pas besoin de faire cela maintenant? Du brauchst es jetzt nicht zu tun. Du brauchst es jetzt nicht zu tun.